Selon le journal internet sud-coréen Tongil News, le comité de mesures extraordinaires pour la sauvegarde de la terre sainte de Songju du bouddhisme Won a tenu le 13 courant à Iksan de la province du Jeolla du Nord un débat sur la lutte contre SAD. Les orateurs ont dit qu'il ne faut faire aucune concession à la disposition de SAD et qu'il est naturel de protester et de s'opposer à l'illégalité commise aux portes de la terre sainte du bouddhisme Won.